qu'en général, on préfère penser à ses proches, à ses enfants, à ses petits-enfants, à son conjoint, avant de penser à un conseiller en gestion privée. C'est normal. Mais si l'on savait qu'un conseiller en gestion privée est la personne capable de trouver les meilleures solutions pour vous aider à léguer un capital, organiser la transmission de la maison de famille ou la reprise de votre entreprise, on comprendrait très bien que penser à un conseiller en gestion privée, c'est d'abord penser à ses proches. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. En cette année de centenaire du déclenchement de la Grande Guerre, Franck Ferrand revient aujourd'hui sur un des grands chefs militaires de 1914. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Le général de Castelnau se trouve être par alliance un des aïeux de Patrick de Gmelin, qui lui consacre ces temps-ci un bel ouvrage. Mais avant d'en parler avec lui et d'entrer dans le détail de cette carrière et de cette personnalité hors du commun, je vous propose de revivre une des premières batailles de la Grande Guerre. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question que nous pose Elodie via la page Facebook de l'émission sur les origines du drapeau corse. Eh bien, volontiers. Pour le moment, je vous propose de nous retrouver un siècle en arrière sur les champs de bataille de la Lorraine. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Les messages qui nous arrivent via Facebook avant même cette émission, le général de Castelnau est plus connu qu'il n'y paraît. Laissez-moi, pour tous ceux qui ne le connaîtraient pas, laissez-moi vous le présenter. Édouard de Curière de Castelnau est né exactement au milieu du 19e siècle. Il est né vraiment juste après le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte qui allait devenir l'empereur Napoléon III. On est donc en décembre 1851 et on est dans ce climat, vous savez, dans ces bonnes vieilles familles de la noblesse d'épée de province. Voilà ce que nous dit Rémy Porte. Il compte dans ses aïeux des abbés, des diplomates, des officiers, mais la famille a vu disparaître progressivement la plupart de ses biens. Une famille du sud-ouest, monarchiste, profondément catholique, traditionnellement au service de la France. C'est vous dire si l'éducation que va recevoir Édouard est une éducation parfaitement rigoureuse et religieuse, bien entendu. Dire qu'il a voulu faire Saint-Cyr est peut-être excessif, nous en parlerons tout à l'heure avec Patrick de Gmelin. En tout cas, il y entre en 1869, j'ai envie de dire un petit peu par hasard, et entrer à Saint-Cyr en 1869, ça veut dire se trouver particulièrement bien ou mal placé selon les points de vue pour la guerre franco-prussienne de 1870, évidemment. Il va donc la faire, cette guerre de 70. Il est engagé à 19 ans dans la promotion du Rhin. On est là donc en octobre 70. Et évidemment, ça marquera l'ensemble de sa carrière et on peut dire qu'un certain nombre des décisions qu'il sera par la suite amené à prendre auront été, sinon dictées, du moins inspirées, influencées par les souvenirs que, si jeune soldat, il aura eu au cours de ce premier conflit effroyable pour la France, vous le savez. Alors, il va faire une carrière exemplaire, je ne vais pas vous raconter ses états de service à ce micro, ça ressemblerait à une conférence à l'école de guerre, je ne suis pas sûr que ce soit tellement le but évidemment, mais sachez qu'il est général de brigade au printemps 1906, il va commander la 24e brigade à Sedan et la 7e à Soissons, il devient général de division en 1909, et ça n'est pas neutre évidemment, ça veut dire qu'il arrive dans des responsabilités militaires de très haut niveau, à un moment où la France entière s'apprête à versé dans la Première Guerre mondiale. Vous savez, 1909-1910, ça commence à sentir singulièrement roussi. De 11 à 14, et notamment pendant ces deux années essentielles, les années 1912 et 1913, où s'est redessiné la stratégie française, il est le chef d'état-major de Joffre, et il va aider, et ça on va voir dans quelle mesure et dans quelle proportion dans un instant, il va aider à l'élaboration du plan stratégique français, ce qu'on appelle le plan stratégique 17. Il faut peut-être revenir revenir là, c'est important pour bien comprendre de quoi on parle, sur justement les deux stratégies. La stratégie de l'Allemagne d'un côté, la stratégie de la France de l'autre. En Allemagne, on suit le plan Schlieffen. Vous savez, le général Alfred von Schlieffen avait depuis 1891, enfin il commence à élaborer son plan en 97 en fait, mais il avait établi ce plan, et ce plan il n'a pas tellement évolué. Voilà ce que nous dit Jean-Baptiste Durosel. Progressivement, on est passé d'un plan reposant sur deux ailes à peu près égales se refermant sur l'armée française, à celui d'un vaste mouvement tournant par la droite, rejetant et acculant l'armée française, le dos à l'est, au fort de Moselle, au Jura, à la Suisse. Dans cette perspective, la violation de la neutralité belge n'était plus limitée à la corde sud-est du pays, mais à la plus grande partie de la Belgique. Les troupes allemandes partiraient très au nord de la région de Düsseldorf et marcheraient sur Liège et Bruxelles avant de se rabattre vers le sud. On tenait également compte du rapprochement franco-anglais qui pouvait permettre un renforcement de l'aile gauche française par des contingents britanniques. Évidemment, l'état-major allemand tient compte des évolutions diplomatiques, stratégiques, etc. à mesure où il peaufine ce vieux plan Schlieffen. Il tenait compte, nous dit Durosel, des défaites russes en Extrême-Orient, et pour renforcer l'offensive à l'ouest, il était possible de laisser un rideau de troupes de plus en plus mince devant une armée russe affaiblie. Tout ça, bien entendu, aura eu des effets. Alors, évidemment, le général von Schlieffen n'est pas éternel. Il va finir par disparaître, mais il est remplacé par Helmut von Moltke, qui reprend essentiellement, en tout cas dans ses grandes lignes, le plan Schlieffen. Ce plan était d'une extraordinaire audace, confirme Jean-Baptiste Durosel, ce qui a fait dire après coup à certains historiens spécialisés, avec l'assurance de ceux qui connaissent la fin de l'histoire, qu'il n'avait aucune chance de réussir. Bien des officiers allemands étaient également réservés à son égard. Il est vrai que si les chemins de fer permettaient d'amener des troupes au point de concentration et plus tard de les transporter d'un point à l'autre du front, une fois la manœuvre du plan Schlieffen engagée, c'était à pied que les soldats devraient progresser. Et dans la pratique, une troupe partie de la région de Düsseldorf devrait en quelques jours seulement franchir à pied plus de 500 kilomètres en combattant. Ce qui évidemment, d'un point de vue pratique et pour l'essentiel des stratèges de l'époque, paraissait un peu illusoire. Alors, quel est de l'autre côté le plan de la France? Mais c'est ce qui est le plus étonnant. D'abord, il faut imaginer ce que c'est que cette armée française. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu en 1913 la fameuse loi des 3 ans. On a énormément d'hommes sous les drapeaux. 882 000 hommes sous les drapeaux dès le 3 août. 2 200 000 hommes de la réserve. 1 500 000 et quelques de la territoriale. Bref, si vous mettez tout le monde ensemble, ça fait quand même 4 622 000 Français sous les armes le 18 août. C'est considérable. Or, ce plan 17 tel qu'il a été revu en 1913, il avait été élaboré à partir de 1911 par justement Castelnau et un certain nombre d'autres. Berthelot, on va en parler, sont les deux principaux collaborateurs de Joffre, bien entendu. Ils travaillent tous les deux sous la direction du général Michel, le chef d'état-major, à partir de 1910. Et ce plan, c'est très étrange, mais on a l'impression d'une certaine manière qu'il ne tient pas compte, ou qu'il tient très peu compte, du plan von Schlieffen, du plan allemand. En quoi consiste-t-il? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au tout début de la Première Guerre mondiale. Alors, oui, au tout début, on pourrait presque même dire à la veille, Céline, puisque on est encore dans ce plan stratégique 17, ce plan français d'attaque, qui mise beaucoup sur la concentration. On est notamment sur toute la partie sur la rive est de la Sambre, si vous voulez, à une exception, hein, notamment le corps expéditionnaire britannique qui va être maintenu sur l'autre rive. Ce plan, il s'appuie essentiellement sur des transports ferroviaires. Ça, il faut bien comprendre ça. Les chemins de fer sont essentiels dans la question. On a mobilisé à peu près tout ce que la France peut fournir, tout le réseau de l'Est, une partie du Nord, du PLM aussi, même la grande ceinture de Paris. 2534 trains en service par ces temps de grève, ça nous paraît presque miraculeux. 1744 trains en circulation. Tout ça va permettre d'acheminer une masse d'hommes, évidemment, de faire une énorme concentration. Le plus étrange, nous dit donc Jean-Jacques Becker, était que le plan français semblait ignorer le plan allemand. Or, il était à peu près impossible qu'un plan préparé depuis si longtemps ne soit pas connu, au moins dans ses grandes lignes. En fait, Au moins depuis 1911, l'état-major français était parfaitement renseigné sur le projet de manœuvre allemande en Belgique et savait, depuis 1913, que cette manœuvre ne serait pas une simple opération de diversion, mais serait bel et bien effectuée pour une grande part de l'armée allemande au moment où l'armée française s'engagerait sur un terrain difficile et soigneusement organisé qui rendrait son offensive en Lorraine très périlleuse. Alors on se dit, mais alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on est dans cette idée de l'offensive à tout prix. Ce sera exactement l'inverse en 1940, hein, d'ailleurs, ceci expliquant peut-être cela. Mais là, en l'occurrence, on se dit, peu importe en gros ce que font les Allemands, nous, on se masse grâce à ces chemins de fer et on fonce, si je puis dire. C'était vraiment l'idée. L'armée française devait livrer aussitôt que possible la bataille décisive, nous dit Durosel, en se portant en avant toutes forces réunies, suivant deux axes, à gauche, au nord d'une ligne Verdun-Metz, et à droite, entre Vosges et Moselle. Voilà, et ça c'est très intéressant, voilà l'avis de notre général de Castelnau à ce propos, c'est dans une lettre qu'il écrit à son fils Louis le 20 juillet. « Mon avis, dit Castelnau, est qu'il faudrait éviter le conflit parce que nous n'avons pas atteint un degré de préparation suffisant ou plutôt un degré de réparation du passé suffisant. Au mois d'octobre dernier, j'ai dit aux personnages qualifiés « Il nous faut 18 mois de paix. Passer ce délai, alors oui, nous serons en forme. Avant ce délai, nous aurons des lacunes graves et notre nouveau plan ne sera pas suffisamment assis à la grâce de Dieu. » Le moins qu'on puisse dire, parce que nous connaissons évidemment ce qui s'est passé aussitôt après, c'est que cet avis-là n'a pas été suivi et c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, nos offensives, la première offensive, elle a lieu en Alsace, bien entendu. On est vraiment dès le début du mois d'août 14. Hein. Castelnau, à ce moment-là, commande la deuxième armée. Il faut signaler que 6 de ses fils sont engagés à ses côtés. Vous avez Gérald, Xavier, Hugues, Michel, Louis et Jean. Je compte qu'ils feront leur devoir, a dit le général, et tout leur devoir de bon français et de bon chrétien. On va voir qu'en fait, très tôt, il va perdre un fils dans cette offensive. Castelnau estime que, en vérité, le plan 17 n'est pas respecté, en tout cas tel qu'il avait été prévu, et que notamment les hauteurs du Grand Couronné, où il a, qui sont des points essentiels du dispositif, n'ont pas été fortifiés suffisamment. Le début de l'offensive, c'est le 7 août. Alors évidemment, on est au tout début, il n'y a pas de résistance en face. Mulhouse est occupée le 8 août. Sauf que dès le 10 août, évidemment, les renforts allemands étant là, il y a une contre-offensive, l'Allemagne va reprendre la ville. Joffre crée une armée d'Alsace. Du 14 au 17 août, les armées atteignent Sarrebourg. Elles attaquent simultanément. Les troupes allemandes se réfugient sur les hauteurs de Morhange. Et le 19 août, Mulhouse est reprise, mais abandonnée, d'ailleurs comme tout le reste de la Haute-Alsace, sauf quelques petites poches, sauf Tannes essentiellement. Le 20 août, le 20e corps d'armée dirigé par Foch attaque à son tour, sans suffisamment de renforts. La veille au soir, Castelnau avait envoyé une missive à Foch, dans laquelle il lui avait intimé l'ordre de s'installer sur le terrain en position d'attente. Ben oui, mais c'est pas ce qui a été fait, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque je vous dis que Foch est parti comme ça, hardi petit. Les Allemands font reculer la 39e division d'infanterie. Et voilà ce que nous dit Patrick de Gmelin dans son ouvrage, dans sa belle biographie illustrée du général de Castelnau. Les Français attaquent à la baïonnette contre des mitrailleuses. Les pertes sont lourdes. À 10h, Castelnau est contraint de commander les premiers retraits par échelon et à 16h30, il ordonne la retraite générale. Ce recul incontestable va poursuivre longtemps Castelnau et va être au cœur de polémiques entre lui et Foch. On est là, disons-le, hein, clairement, au cœur du débat qui va nous animer dans cette émission. Foch qui profitera plus tard de sa position de maréchal de France. Évidemment, quand vous avez le bâton de maréchal, il est plus facile de faire entendre la vérité que vous avez à émettre, c'est certain. De manière surprenante, nous dit Gmelin, le chef d'état-major du 20e corps fera dès septembre 14 refaire le journal de marche de la 39e division d'infanterie pour qu'il soit conforme à la version de son chef. Alors là, ça s'appelle, en quelque sorte, réécrire l'histoire, évidemment. Alors, je vous l'ai dit, un des officiers au 4e chasseur, Xavier de Castelnau, un des fils du général, est tué le 20 août au soir. Le général ne l'apprendra que le lendemain, ce qui n'empêchera pas Foch d'écrire que Castelnau, je cite, « diminué par l'annonce de la mort de son fils, avait ordonné la retraite ». Mais le 20, à 16h30, Foch néglige le fait que Castelnau l'ignorait encore. C'est ainsi que certains écrivent l'histoire, nous dit Patrick de Gmelin. C'est vrai que, décidément, Foch en prend pour son grade, si j'ose ainsi m'exprimer, dans cet ouvrage et dans cette étude sur les tout débuts. Vous avez bien compris qu'on est là au début, au commencement, au balbutiement de cette grande guerre. Le 21 août, Castelnau entreprend de regrouper et réorganiser ses forces pour reprendre l'attaque contre le flanc des Allemands qui voudraient déborder les Français par l'Est, en s'engouffrant dans la trouée des Charmes, nous dit Patrick de Gmelin. Cette trouée des Charmes, espace non fortifié entre Toul et Épinal. Le sort de la France, nous dit-il à ce moment-là, non sans une petite pointe bravache, le sort de la France est entre les mains de Castelnau, qui va lancer une puissante offensive d'artillerie, hein, avec pour résultat de gros dégâts du côté allemand. Les Allemands se rendent vers la trouée des Charmes. Le 24 août, c'est ce qu'on va appeler la bataille de Lorraine. Castelnau a installé son PC dans une simple école, sous les préaux d'une école de village à Pont-Saint-Vincent. Ses officiers le voient aller et venir les mains dans le dos, s'arrêtant parfois pour lire un compte-rendu, observer une carte ou donner un ordre. Il commence par attaquer les ailes allemandes. J'aime bien finalement cette vision, cette image du général de Castelnau qui, toute proportion gardée, un peu comme Napoléon sur le champ de bataille, est là qui fait les 100 pas, les mains prises dans le dos. Et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur l'une des premières batailles de la Grande Guerre. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au champ de bataille de la Lorraine. Je ne sais pas si j'ai suffisamment insisté, évidemment, sur la situation très particulière de l'Alsace et de la Lorraine, hein, qui quand même, depuis 1871, en tout cas pour une partie de la Lorraine et pour l'ensemble de l'Alsace, était passée côté allemand. Et vous savez que, évidemment, 1871, c'était vieux. Ça faisait presque un demi-siècle que tout ça était entré peu à peu dans les mœurs. On avait vu, alors il y a toujours eu des Alsaciens et des Lorrains qui, évidemment, sont restés, si je puis dire, extrêmement fidèles à la France, ont lutté pour la France, mais dont l'immense majorité de la population avait fini par se faire à la situation. Et il ne faut pas oublier que le Reich, enfin le comment dit-on, l'empereur Guillaume II avait peu à peu accordé un certain nombre de, comment pourrait-on dire, il avait fait quelques concessions, et notamment on venait de créer un parlement spécifique, etc. Une constitution avec, bien entendu, la possibilité toujours pour la cour de Prusse, pour la cour de Berlin, de récupérer tout ce qu'elle avait donné. Mais tout de même, il y avait... Et on avait, de l'autre côté en France, une espèce d'obsession de l'Alsace et de la Lorraine qui explique peut-être que ce plan stratégique se soit d'abord concentré sur ces régions. C'est évident. Vous allez me dire, ça tombe sous le sens, mais parfois il vaut mieux le souligner pour que ce soit bien, bien clair. Alors, le 25 août, là, c'est la grande offensive. À 15h, voilà le télégramme de Castelnau. C'est un style militaire, c'est le moins qu'on puisse dire, martial, on va dire. En avant, partout et à fond. Contre-offensive décisive des 15, 16 et 20e corps français contre le 3e corps d'armée de réserve bavarois. L'Allemagne, à ce moment-là, recule assez nettement. Lunéville devient capitale lorraine de la cavalerie, ça va jouer un rôle important. Et l'état-major allemand, lui, interdit que cet échec soit transmis aux troupes qui combattent beaucoup plus à l'ouest. Ce qui veut dire quand même que c'est considéré d'emblée comme un événement militaire majeur et qu'il ne s'agit pas du tout d'aller démoraliser les autres Allemands en leur racontant ce qui venait de se passer. Le 26, la retraite est quasi générale pour toutes ces troupes allemandes de la région. Retraite ordonnée par le prince de Bavière, d'ailleurs, qui commandait ces troupes. Et à ce moment-là, on apprend que Michel de Castelnau, donc un autre des fils du général, serait mort, pense-t-on. En fait, non, il ne l'est pas. On apprendra, mais seulement le 18 septembre 14, on apprendra qu'il a été fait prisonnier par les Allemands. Alors, les Allemands partent à ce moment-là en direction du Grand Couronné de Nancy. Castelnau ordonne de se retrancher. Il établit de nouveaux emplacements d'artillerie à l'endroit où les Allemands se sont donc installés. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à ce moment-là, Joffre lui retire ces hommes. Castelnau n'a plus à ce moment-là qu'une majorité d'unités de réserve. Alors que s'est-il passé? Ça encore, c'est assez extraordinaire. Joffre, le 5 septembre, envisage de retirer encore des soldats et de ne laisser dans l'Est que la 2e et la 1ère armée seulement. Joffre prépare la bataille de la Marne, nous explique Patrick de Gmelin, et il a besoin que la 2e armée tienne coûte que coûte. Ben oui, mais enfin, tenir dans ces conditions-là, et quand vous n'avez plus les dispositifs nécessaires, c'est un vrai problème. Très inquiet, nous dit-il, Castelnau lui télégraphie qu'il résistera aussi longtemps que possible sur place, en s'accrochant à la position du grand couronné. En chef responsable, il envisage cependant toutes les situations, y compris l'éventualité d'évacuer Nancy, ce qu'il étudie avec Léon Mirmand, préfet de la Meurthe-et-Moselle, un haut fonctionnaire intègre, célèbre pour sa longue barbiche. Plus tard, ses adversaires présenteront de cette hypothèse de travail normale pour un chef. Et évidemment, il faut envisager tous les cas de figure, y compris ceux qui seraient éventuellement le moins favorables. On en tirera la décision d'évacuer Nancy. Le Kaiser, lui, est arrivé à Dieuze, nous dit Patrick de Gmelin, d'où il prépare son entrée à Nancy au milieu de ses cuirassiers blancs. C'est une nouvelle bataille, hein, du 5 au 12 septembre 1914. Alors là, vraiment, bataille générale est dans tous les villages, hein, à Sainte-Geneviève, à Champenoux, à Lenoncourt, bien entendu. Le 8 septembre, côté allemand, on croit la bataille perdue. On stoppe l'attaque et finalement, la guerre continue. Le 11, Nancy sera bombardée et le 12, c'est le dernier assaut. Et l'on peut dire que la bataille de Lorraine est gagnée. Les opérations se déroulent à l'ouest, entre Meurthe-et-Moselle. Joffre constitue une nouvelle 2e armée, avec toutes sortes de corps hein, qu'il a réussi à réunir. Le but, c'est d'aller déborder au plus vite, au mieux qu'on peut, déborder l'aile gauche allemande. Ça va être, vous savez, cette course à la mer, cette bataille entre les Français et les Allemands sur l'Oise, elle se terminera quand on pourra plus faire autrement, carrément sur la mer du Nord. Castelnau dirige à ce moment-là les opérations de Clermont-sur-Oise et les combats vont être terribles à partir du 19 septembre, mais ça va durer hein, jusqu'à octobre, évidemment, avec des troupes de plus en plus fatiguées, ai-je besoin de le préciser. Castelnau est le plus souvent possible sur le terrain, nous dit Patrick de Gmelin, encourageant, admonestant, relevant les chefs insuffisants quand c'est nécessaire. Il reçoit en même temps à son PC des personnalités militaires politiques, françaises et étrangères, comme Gallieni, Churchill, le général Wilson, le ministre socialiste Albert Thomas, qui lui déclare « Heureusement que depuis 4 ans, vous avez vu clair ». Autant dire que, pour ce qui est de la clairvoyance, il y avait même dans le personnel politique français un certain nombre de personnes qui, contrairement à ce que certains à l'état-major essayaient de faire comprendre, qui eux-mêmes avaient vu juste. Bonjour Patrick de Gmelin, on a bien compris que ces tout premiers assauts de la guerre de 14 ne sont pas sans soulever un certain nombre de questions, pour ne pas dire de polémiques. Vous avez pris de votre côté le parti du général de Castelnau, ce que je viens de faire dans mon propre récit. Nous verrons jusqu'où il faut aller et quelles conclusions nous pouvons en tirer. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, du général de Castelnau, avec votre invité Patrick de Gmelin, historien militaire, auteur du Général de Castelnau, Le soldat, l'homme, le chrétien, aux éditions Charles Hérissé. Et nous avons, Franck, beaucoup de réactions de nos auditeurs. Oui, alors Bruno nous dit Castelnau, le sauveur de Nancy. Il faut qu'on revienne sur cet aspect. J'ai fait exprès, moi, de sauter à pieds joints sur cet aspect-là, mais évidemment, on va y venir dans le détail. Elodie nous dit bravo de proposer enfin une émission sur cet illustre général qui n'a très injustement jamais reçu le bâton de maréchal. Il le mérite et j'en profite, nous dit Elodie, pour souligner à quel point le village de Castelnau-Curière dans l'Aveyron, d'où il est originaire, est un très beau village. Mais dont acte. Et Thibault, par ailleurs, nous dit via Facebook qu'il existe une station de Montréal au nom de Castelnau sur la ligne bleue, mais j'ignore pourquoi spécifiquement de l'autre côté de l'Atlantique, nous demande Thibault. Alors Patrick de Gmelin, pourquoi? Alors, comme en plus c'est au Canada, oui. Mais je pense qu'effectivement, moi, j'avais pensé d'abord, il y avait un Castelnau, un baron de Castelnau, un ancêtre du général, qui a été longtemps, qui était dans la guerre d'indépendance américaine. Eh bien, pas du tout, j'ai vérifié. Il s'agit bien du général de Castelnau. Le nom de la station a été donné d'ailleurs très vite, très tôt. Et je pense, comment? Vous me disiez dès 1916, oui, là, pendant, hein. C'est ça. Donc je pense que les troupes américaines qui sont venues en France un peu plus tard ont joué un rôle également. Mais il était très célèbre partout. J'ai trouvé des coupures de journaux de différentes nations qui parlaient de lui très vite. Alors, avant d'en venir à la vie de Castelnau, en dehors de la Première Guerre mondiale, et avant d'évoquer les questions qui fâchent et sur lesquelles je me suis déjà gentiment appesanti, j'aimerais que nous revenions sur les faits militaires eux-mêmes. J'essaie, c'est toujours un peu délicat de parler de questions militaires à la radio, parce que ça a un petit côté un petit peu sec, il faut bien le dire, mais en même temps, on est là dans les toutes premières offensives, dans les toutes premières heures de la Première Guerre mondiale, et je pense que c'est important de comprendre ce qui s'est passé. On évoque toujours la bataille de la Marne comme le premier fait d'armes intéressant de cette guerre, il y en a eu qui l'ont devancé en vérité. Alors, si l'on doit résumer, pourquoi le sauveur de Nancy déjà ? Expliquons ça. Le sauveur de Nancy parce que, en contrebattant, si je puis dire, les Allemands, les troupes du Kaiser sur les hauteurs du Grand Couronné, il empêchait directement les Allemands, et vous avez dit tout à l'heure que le Kaiser préparait son entrée victorieuse avec ses cuirassés. Bon. Là, il lui a coupé l'herbe sous le pied. On n'entre pas à Nancy, et les Nancéens avaient commencé à évacuer leur ville. On a dit, ça a d'ailleurs été une erreur, que Castelnau voulait évacuer Nancy. Non, c'était une de ses hypothèses oui, de travail. Voilà, c'est ça, hein. Il était normal qu'il l'ait prévu également. Mais pas du tout. Et donc, quand Nancy a été sauvée, au sens propre du terme, le surnom de Castelnau, sauveur de Nancy, est immédiatement né. Il ne faut pas oublier que Castelnau avait été le colonel chef de corps du 37e régiment d'infanterie, qui était le régiment de Nancy, en 1900, et qu'il avait déjà laissé cœur, une trace très importante, parce que c'était un homme, il était né sous le Second Empire, comme tu le disais, mais en plus, il était très moderne. C'est-à-dire que, par exemple, il a fait immédiatement mettre l'électricité dans la caserne où se trouvait le régiment, ce qui était totalement nouveau, et des tas d'autres choses dans ce genre. Il était un petit peu dans le genre de Lyautey vis-à-vis des hommes. Voilà, il était très proche d'eux. Donc Castelnau était déjà célèbre. Quand il avait quitté Nancy à la fin de son commandement, il avait été accompagné à la gare par une bonne partie de la population. Donc tout à fait naturellement, Castelnau revient à Nancy, et cette fois-ci, sauve la ville. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'encore à Nancy maintenant, je ne dis pas qu'on parle de Castelnau tous les jours dans la rue, non. Mais quand on parle de lui, les gens qui connaissent l'histoire, et c'est pas simplement des personnes de 90 ans, parlent immédiatement de Castelnau, le sauveur de Nancy. Oui, c'est vrai. Alors j'ai évoqué Morhange tout à l'heure, hein, petite ville fortifiée par les Allemands depuis la prise de possession. Très longtemps, évidemment, oui, tout à fait. Et se pose un problème, si je puis dire. Oui, alors Morhange a été d'ailleurs le motif officiel du refus du bâton de maréchal, notamment par le maréchal Foch, qui lui était déjà pourvu dans ce domaine, et qui a dit « on ne donne pas le bâton de maréchal aux vaincus de Morhange ». Ce qui est d'une injustice absolue, d'autant plus que certains, je crois Jean-Yves Le Naour, dit lui-même « le vrai vaincu de Morhange, c'était Foch lui-même, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il avait désobéi formellement à un ordre ». Alors lui a dit « j'ai jamais reçu cet ordre ». Oui, bien sûr, il l'a dit. Il l'a dit immédiatement avec en plus l'autorité que lui conférait son bâton de maréchal. Mais, il y a un « mais ». Non seulement on possède la preuve que l'ordre a été expédié à la fois par télégraphe, mais aussi par un officier estafette qui a pris le double de l'ordre et qui l'a porté et qui a confirmé que cet ordre avait été remis. Ça, c'est une première chose. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quand même cette attitude étrange de la part de Foch qui, peu de temps après le début de la polémique, fait refaire le journal de marche du 10e Corps pour ces deux jours-là, et qui le met, si je puis dire, à son goût. Il y a au moins une présomption assez forte. Donc là, c'est quelque chose qu'on a peu dit. Pendant des années, on se taisait. Maintenant, les historiens sérieux, il y en a beaucoup, commencent à le dire. Il est incontestable que Foch, s'il n'a pas désobéi, on va dire qu'il n'a pas obéi, qui est une façon de tourner la difficulté. Il n'a pas entendu l'ordre. Mais Castelnau était furieux. Et il a été obligé, malgré tout, avec ce 10e corps qui était en avant, qui était presque un enfant perdu, il était obligé de s'arrêter. Bon, donc la défaite de Morhange, le recul de Morhange, parce qu'il a été rattrapé très vite par la victoire du Grand Couronné, et il y a un petit détail qui m'a toujours frappé. Il y a, à Morhange, actuellement toujours, une rue du général de Castelnau. Ce qui a tout de moins fait croire que pour une ville qui devrait une défaite avec son nom, Donner le nom du vaincu, c'est un petit peu spécial. Oui, évidemment. Il n'a pas eu de chance, si je puis dire. Il n'était pas heureux, comme aurait dit Talleyrand dans une autre campagne. C'est-à-dire qu'en fait, il a eu contre lui, oui. En tout cas, il a eu maille à partir avec Foch, à une époque où Foch était loin d'être encore devenu le grand personnage qu'il sera à la fin de la guerre. Il ne faut pas l'oublier. On a fait une émission là-dessus déjà, donc on ne va pas y revenir. Et il n'a pas été tellement bien servi par Joffre non plus dans les circonstances. Non, mais alors, ce qui est assez drôle, quand on regarde de près les correspondances et les mémoires de l'époque, les mémoires des témoins petits, ceux qui ne sont pas forcément généraux, ceux qui sont des jeunes officiers ou des officiers un peu plus âgés, mais qui ont écrit leurs mémoires, souvent non publiées, on se rend compte qu'entre Joffre et Castelnau, c'était l'assemblage du carpe et du lapin. Ça ne pouvait pas marcher entre eux, à aucun point de vue. Ils étaient censés travailler ensemble. Ils étaient censés travailler ensemble. Castelnau sous les ordres de Joffre. D'autant plus que Joffre avait donné comme condition sine qua non à l'acceptation de son poste de généralissime. Oui, mais je veux Castelnau comme adjoint. Castelnau s'est fait un peu prier. Je ne dirais pas qu'il n'y a peut-être pas mis un certain plaisir. Il y a cette célèbre phrase de Joffre disant « Mon bon Castelnau, est-ce qu'il faut que je le vous demande à genoux ?» Bon. Mais ceci étant, ils ne se sont pas entendus. Castelnau, dans des confidences qu'il a fait à ses aides de camp, disait très franchement dans le secret de son automobile, ce n'était pas une voiture, c'était une automobile, oui, ce qu'il pensait de Joffre, et c'était pas aimable, mais beaucoup de gens le pensaient ainsi. Et la grande image de Joffre, qui était une grande image dans la population française, incontestablement, n'était pas du tout partagée par l'ensemble de ceux qui faisaient la guerre à un certain niveau. Est-ce que les nécessités de la bataille de la Marne qui était en train de se produire justifiaient qu'on dépossède en quelque sorte Castelnau ? Là, ce serait une discussion qui dépasserait un petit peu notre émission, mais il est exact qu'il fallait qu'on ait un maximum de troupes pour faire face à l'Allemand, mais il est évident que déposséder le pauvre Castelnau de toutes les troupes qu'il avait pour le réduire à quelques troupes de réserve, cela paraissait inconcevable. Mais ce qui était peut-être inconcevable aussi, c'est ce plan 17 lui-même. Pourquoi avoir choisi d'ignorer en quelque sorte le plan Schlieffen ? Alors, ça c'est un des gros problèmes de l'état-major français de l'époque avec l'offensive à outrance qui n'était pas du tout dans l'esprit de Castelnau. Non, non. Castelnau, au contraire, était beaucoup plus prudent. Au contraire, parce qu'on a même vu qu'il demandait du temps, en fait. Absolument. Hein. Et ça, c'était pas du tout dans l'esprit, notamment, des fameux jeunes Turcs, dont Gamelin, le futur vaincu de 1940, était l'un des chefs de file. Il n'était pas le seul, d'ailleurs, pour qui on attaque. Attaquons comme la lune, a dit d'ailleurs un des généraux. C'est une phrase tout à fait officielle. Bon, et ce plan 17 a été conçu dans cet esprit, et il est vrai qu'on ignorait superbement ce qu'on savait automatiquement par les renseignements, d'autant plus que le plan Schlieffen, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'avait pas été préparé 3 mois avant. Bah, c'est ça, on le savait depuis longtemps. Depuis une génération entière. Voilà, et le deuxième bureau fonctionnait très bien. Mais on ne tenait pas compte, on avait une espèce de supériorité, de sentiment de supériorité intrinsèque de l'armée française sur l'armée allemande, et c'était pas gagné d'avance pourtant. Est-ce que tout ça peut expliquer qu'au moment où le général de Castelnau est fait grand officier de la Légion d'honneur, on est le 19 septembre 14, donc en plein cœur de ces opérations, il dit « Cela ne me touche plus, j'ai trop de peine dans le cœur ». D'où vient-elle cette peine ? C'est celle du père qui a perdu son Absolument. Fils ? Absolument. C'est la peine du père qui a perdu son fils, il va en perdre encore 2 autres. Tout ça en quelques mois, au point que lorsque son épouse, Madame de Castelnau, qui elle vivait à ce moment-là en province, quand le prêtre s'est approché d'elle un matin pour lui donner la communion, il avait l'air tellement décomposé qu'elle lui a dit simplement dans un souffle « Lequel ?» car elle se doutait qu'encore un des fils avait été tué. Et il est vrai que Castelnau a été touché au cœur par la disparition de ce fils et de ses fils. Et il y a la fameuse anecdote qui est vrai, même si elle est quelquefois un peu transformée, lorsqu'on apprend la mort de Xavier, il est en train de donner des ordres, il discute avec son état-major, on lui apprend que Xavier a été tué, il garde le silence, quelques secondes, puis il se reprend, et il dit cette phrase demeurée célèbre à tous ses officiers, « Continuons, messieurs. » Franck Ferrand, 14h-15h, sur Europe 1. N'aurez pas l'Alsace et Valmorène, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur extrait du fameux titre « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». Ah oui, cette circonstance, en l'occurrence, on a parlé de cette bataille de Lorraine et de tout ce que ça remuait, évidemment. Alors, j'aimerais qu'on vienne maintenant à la personnalité même de ce bonhomme dont on a le beau portrait dès la couverture de votre ouvrage. Un ouvrage extrêmement riche, plein d'illustrations, ça s'en va à droite, à gauche, mais tout en suivant un fil, bien entendu, puisqu'on évoque toute cette carrière qui est une trajectoire, en vérité. C'est ça que vous nous donnez à voir, Patrick de Gmelin, c'est la trajectoire d'un homme qui, en quelque sorte, avait tout pour devenir ce qu'il est devenu. Il est né dans le bon climat, si je puis dire. Oui, alors que sa famille, et notamment les vieux abbés Barthes, qui veillaient sur la famille au Second Empire, rêvaient d'en faire un notaire. Alors que lui, il aurait été notaire à Saint-Afrique ou à Belmont, et il aurait passé une vie, j'allais dire, de seconde zone. Lui, il voulait être officier de marine. Plus tranquille. Légèrement plus tranquille. Lui, il voulait être officier de marine. Il y avait un seul officier de marine qui était le chevalier de Saint-Côme, qui avait été dans la guerre d'indépendance américaine, qui était mort au moment d'être nommé amiral. Et lui, il voulait être marin. Et puis, il n'a pas pu, il y avait des questions d'âge, etc. Et il s'est rabattu d'une certaine manière vers Saint-Cyr. Et là, ça a encore été très sportif, parce que les abbés Barthes, le pauvre Michel de Castelnau, le marquis, il était un petit peu sous la coupe des abbés Barthes, donc ses grands-oncles, et il a emmené quand même son fils pour préparer Ginette. Il était reçu à Ginette, il a réussi la préparation, et il l'emmène très aimablement voir le général qui commande Saint-Cyr, qui est le général de Gondrecourt. Et il lui demande « Mon général, est-ce que je peux, en toute conscience, étant un père de famille chrétien, vous laisser mon fils? Est-ce que pour sa santé morale, ce n'est pas dangereux ?» Et Gondrecourt, qui en bonne vieille culotte de peau du Second Empire, n'avait qu'une seule chose à voir, c'est oui ou non, est-ce que le dénommé de Curière de Castelnau signe son acte d'engagement? Ce qu'il a fait. Mais donc, il est rentré dans la carrière de manière un petit peu particulière. Il n'a pas été très heureux de son séjour à Saint-Cyr. Et pourtant, il est resté marqué par l'étiquette, oui, Saint-Cyrien. Est-ce qu'on ne peut pas d'ailleurs dire que parmi les difficultés qu'il a pu rencontrer ensuite pendant la Première Guerre mondiale, il y a justement cette vieille rivalité entre Saint-Cyrien d'un côté, polytechnicien de l'autre? Alors, pas à ce point, mais il y a eu quand même, puisque parmi les grands chefs, il y avait des polytechniciens, et pour eux, les Saint-Cyriens étaient quand même, il ne faut pas dire d'une catégorie inférieure, mais quand même, il y avait une... Chez eux, un sentiment de supériorité. Je ne suis pas le seul à le dire. Bernard pose la question, vous voyez. Ah bon? Non, mais il est vrai qu'il a été marqué par Saint-Cyr. Il y est resté très peu, puisqu'ils ont été tous les élèves ont été nommés sous-lieutenants par l'impératrice. C'est un des actes de l'impératrice. On avait besoin de jeunes officiers. Mais il n'a pas gardé un très bon souvenir. Pourquoi? Parce que, justement, à Saint-Cyr, on enseignait cette doctrine de toujours en avant, toujours l'attaque à outrance, avec laquelle il n'était pas d'accord. Et en plus, il trouvait que les instructeurs de l'époque n'étaient pas assez sur le terrain. Or, lui va parfaire sa formation pendant toute la guerre de 70, comme vous l'avez dit, sur le terrain, en entraînant ses hommes. Il y a une autre étiquette qui, pour lui, a dû être sans doute au moins aussi difficile à porter que celle de Saint-Cyrien. C'est celle de catholique, monarchiste, etc. On est quand même dans, comment est-ce qu'on pourrait dire, le côté vieille France. Oui, c'est la droite très affirmée. La droite de la Troisième République. Voilà, c'est ça. Qui est une France conservatrice, même s'il y a des gens de gauche accusés. Pour pas dire même ultra-conservatrice. Oui. Le parti monarchiste est quelque chose qui signifie quelque chose. Et Castelnau, il faut le dire, on a dit, il était non seulement catholique, mais il était monarchiste, donc il était anti-républicain. Ce qui n'est pas vrai. Castelnau était avant tout français. Il servait certainement plus la France que la République, mais pour lui, le drapeau tricolore, c'était une réalité laquelle il fallait compter. Et tout à l'heure, vous l'avez comparé, se promenant les mains dans le dos, il ne risquait pas d'avoir de mèche avec ses cheveux drus, comparé à Napoléon. Mais ce que j'ai appris, et ce que je ne savais pas en étudiant pour ce livre, c'est qu'il avait la plus grande admiration pour Napoléon, alors que les monarchistes de cette époque, détestaient l'empereur. Lui, c'était vraiment un grand homme pour lui. Vous avez dit qu'il était français, c'est vrai qu'il y a ce côté quand même très... qui va se confirmer lorsque devenu un très vieux monsieur, pas centenaire, mais enfin on n'en est plus très loin, arrive 1940, oui. Le maréchal Pétain aurait bien sûr aimé l'avoir à ses côtés, or... Alors, il y a une chose qu'il faut dire. Le maréchal Pétain, parce que si je dis Pétain, tous les maréchalistes vont envoyer des notes, doit sa gloire à Verdun, le vainqueur de Verdun. Qui a mis en place à Verdun le maréchal Pétain, Pétain à l'époque, général Pétain, c'est Castelnau qui, muni des pleins pouvoirs en février 1916, arrive dans le secteur fortifié de Verdun, voit la situation et, muni des pleins pouvoirs, décide de nommer Pétain à la tête du secteur fortifié de Verdun. Pétain arrive, on le tire un petit peu de l'hôtel où il était en train de passer un moment agréable avec une dame. On lui dit c'est tout de suite, c'est pas demain. Et il vient, j'allais dire, remporter la victoire de Verdun. Bon. Mais dès le début, les deux hommes ne s'entendent pas vraiment. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une vision un peu à la hussarde là, que vous nous donnez. Oui, mais c'était un petit peu le cas du maréchal Pétain, ceci dans une période assez tardive de sa vie. Et après ça, ils ne s'entendent pas vraiment. La guerre de 40 arrive. Castelnau est profondément français. Il est profondément anti-allemand. Et il n'accepte pas le régime de Vichy. Qu'il combat, non pas de manière excessivement forte, mais il le combat, tout le monde sait qu'il n'est pas vichyste. Et au point que, à plusieurs reprises, il attaque le maréchal Pétain dans ses écrits. Et un jour, d'ailleurs, il traite les grands pétainistes d'une manière assez précise. Un cardinal demande à le voir et il voudrait dire quelque chose au général de Castelnau. Il veut venir le voir chez lui et le général répond « Comment le cardinal Intel a encore une langue? Il ne l'a pas encore usée complètement sur le cul de Pétain. » J'emploie le terme qu'il a employé. Bon. Et Castelnau est très âgé, comme vous le dites. Mais il participe d'une certaine manière à la résistance, puisqu'il cache dans sa propriété de la serre des armes. Et quand les chefs résistants locaux viennent chercher des armes dont ils ont besoin, il les reçoit à sa table et il leur dit « Je suis un vieux monsieur, un vieux général, mais je suis naturellement avec vous ». Alors ça, c'est pour le vieux monsieur, mais entre les deux, il y a toute cette extraordinaire carrière, bien entendu. Une carrière où l'homme se montre particulièrement, comment est-ce qu'on pourrait dire, c'est un homme simple, direct. Je ne sais pas si c'est une hagiographie que vous avez faire. Non, surtout pas, je récuse. Alors donc, c'était donc... Le problème, quand on écrit une biographie de Castelnau, moi c'est une biographie particulière, c'est une biographie documentaire, il y a quand même du texte, mais il y a aussi beaucoup de documents, puisque ça fait 45 ans et des bananes, comme on dit, que je collectionne à son sujet, et pas seulement chez moi. Bon, mais il est difficile de trouver des choses négatives, on peut bien sûr, on peut toujours, sur tous les hommes, même sur vous Franck, on pourrait trouver des choses négatives. Oh, mais sans doute. Absolument. Mais c'est un homme incontestablement... qui a fait beaucoup de choses positives, et on trouve difficilement à le critiquer. Le général Gras, qui a fait une biographie très officielle, lui non plus, beaucoup plus militaire que la mienne, ne trouve pas vraiment de défauts. Il en a, bien sûr, il le reconnaît lui-même, il a son caractère. Et de temps en temps, comme on dit, ça pète. Mais globalement, c'est un homme qui a beaucoup de recul, beaucoup de retenue. C'est un homme aussi de sa génération, c'est-à-dire extrêmement cultivé. On est frappé quand on lit ses lettres de voir le style merveilleux qu'il emploie. Il parle latin couramment. Oui, c'est très important cette dimension-là. Il recevait, c'était avant la guerre, un général en inspection, et à la table à laquelle il le reçoit, au mess, les officiers entendent brusquement les deux généraux parler en latin. À notre époque, ça serait pas franchement facile. Il y a quelque chose d'un écrivain en lui. Ah, tout à fait. C'est assez amusant de voir tous ces maréchaux qui sont entrés à l'Académie française après la guerre et dont certains, je ne citerai pas lesquels, ne sont pas franchement de grands littérateurs. Et lui, en revanche, est un très bon écrivain. Il aurait pu écrire ses mémoires, mais alors j'ai relevé cette formule que je trouve délicieuse. Il dit « Je ne vois pas pourquoi j'écrirais mes mémoires, je n'ai rien à me reprocher ». Et voilà précisément le genre de mots qui lui faisait des adversaires, ne serait-ce parmi tous les généraux et maréchaux qui ont écrit leurs mémoires. Il est souvent qu'il y a souvent des plaidoyers pro domo, ce n'était pas son genre. Oui. Alors, le personnage, on l'a vu, est proche de ces hommes. Lorsqu'il sait que un régiment doit sortir, il se lève plus tôt le matin pour accompagner, pour être là. Ah, il est même là avant eux. Il est là avant eux. Les soldats qui sont sous la pluie en Lorraine, puisque c'était l'époque de Nancy, marchent sous la pluie, et tout à coup, à 5h du matin, ils voient une silhouette sur un cheval, et c'est leur colonel qui était déjà là, qui était passé par les chemins de traverse. Et racontez-nous cette anecdote de 1916, où il est sur le bord de la route, là, il voit passer. C'est une très jeune anecdote 150 hommes, qui a été racontée par un des officiers qui était sous ses ordres, un jeune capitaine. Et sous une pluie considérable, dans la boue, cette troupe, une compagnie, marche pour rejoindre son poste. Et On entend une espèce de frottement qui sont les pieds de ces pauvres poilus qui traînent sur la route. Et l'officier qui est devant, bon, marche. Et puis tout à coup, on entend un ronflement de moteur. Et tout le monde se dit, l'officier le premier, ah tiens, c'est une de ces voitures d'état-major qui va comme d'habitude passer à côté de nous et nous éclabousser. Et puis quelques minutes passent et l'officier, qui ne se retourna pas, entend brusquement le frottement des pas de ces hommes qui se transforment progressivement en un pas régulier et puis sûr, et c'est un pas de soldat à la parade. Alors il se dit, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, la voiture, l'automobile d'état-major arrive à côté de lui, totalement sur le côté et non pas au milieu de la route, et elle porte le fanion de commandement, et il se tourne sa tête et il voit un vieux général qui est debout dans son automobile, la main au képi, et qui salue les hommes en disant « mes pauvres enfants ». Eh bien, c'était Castelnau, et ça, c'est typique de l'attitude de cet homme, pour lequel j'ai une particulière admiration. Je le confesse, Franck, je le confesse. Je pense que tout le monde l'aura compris. « Mes pauvres enfants ». Mais ce n'est pas une hagiographie, je récuse le terme. C'est en tout cas un très bel album signé Patrick de Gmelin, « Le général de Castelnau », né en 1851, mort en 1944. C'est aux éditions Charles Hérisset. Et si, après tout ce que nous avons dit, vous n'avez pas envie de lire ce livre, alors c'est que vous n'avez pas, que voulez-vous, la fibre militaire. Instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question d'Élodie sur les origines du drapeau corse. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Élodie, qui nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission et qui aimerait connaître l'origine du drapeau corse. La bandera a testa mora, la bannière à tête de maure et non pas de mort, comme auraient dit certains. Vous connaissez hein, ce drapeau avec la tête noire coiffée d'un bandeau blanc porté en bandana, si on peut dire, sur le front. Un symbole qui n'est pas né là-bas, en Corse, mais plutôt dans la péninsule hispanique où le roi d'Aragon, Pierre III, va décider de le faire figurer sur son sceau et plus tard, mais bien plus tard, en 1736, c'est à Théodore de Neuhoff. Alors Théodore de Neuhoff était une sorte d'aventurier, il était d'origine allemande. Il aura été finalement le premier roi de Corse et le seul roi de Corse. Il a régné 6 mois, enfin c'est une aventure d'ailleurs qui mériterait d'être racontée. C'est lui qui va amener et populariser cette tête de maure. À cette époque-là, d'ailleurs, la tête était un petit peu différente puisqu'elle était tournée vers la droite et que le bandeau couvrait les yeux. Et finalement, vous savez que c'est le très célèbre chef nationaliste, enfin le grand chef corse, hein, Paoli, Pascal Paoli, qui va donner à cette bannière sa forme définitive, avec ce visage tourné vers la gauche, le bandeau porté en bandana autour de la tête et non plus sur les yeux. Le bandeau, à présent, symbolise la liberté du peuple corse, devenu en 1755 indépendant. Les Corses veulent y voir clair, avait déclaré Paoli. La liberté doit marcher au flambeau de la philosophie, ne dirait-on pas que nous craignons la lumière? Alors il y a une autre hypothèse qui prétend qu'en fait cette tête de maure rappellerait l'époque de l'invasion de l'île par les Sarrasins. À un moment de ces conflits, les Corses évidemment s'étaient bien défendus et pour effrayer l'ennemi, ils brandissaient des têtes décapitées des Sarrasins qu'ils avaient capturés, qu'ils enfilaient comme ça sur des pics. Non seulement cette origine est nettement plus douteuse, mais vous avouerez qu'elle est aussi nettement moins poétique. Je m'en tiendrai donc, pour ce qui me concerne, à la première. Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck, bonjour à tous. Franck et les Français, figurez-vous que vous produisez chaque année 590 kilos de déchets par an. 60% d'entre eux sont réutilisables s'ils sont compostés. Alors que vous viviez en ville, Franck, ou à la campagne, dans une maison ou dans un immeuble, comment composter et donner du peps à vos plantes d'intérieur ou vos plates-bandes ou encore les plates-bandes de votre résidence ou votre jardin? Les réponses sur le compost, les conseils 3921 ou europe1.fr. Ça c'est pour les questions et les témoignages. Franck, je sais que vous aurez beaucoup de questions à nous poser. Ah ben oui, j'avoue que je suis assez effrayé par ce que vous nous racontez. Voilà. Merci beaucoup voilà, Elena. Voilà. Eh bien écoutez, le moins qu'on puisse dire c'est qu'on va changer complètement d'ambiance. Et nous demain nous irons en Chine pour parler de la guerre de l'opium, figurez-vous. Merci beaucoup, donc on se retrouve demain Céline. À demain Franck.